إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان du Cheikh Abdurrahman ibn Nasser al-Nisa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame l'explication de Sourate Al-Fajr, l'aube. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Fajr, wal-layalin 'ashr, wash-shaf'i wal-watr, wal-layli idha yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, par l'aube, par les 10 nuits, par le père et l'impère, et par la nuit quand elle s'écoule, n'est-ce pas là un serment pour un doué d'intelligence? قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الفجر وهي مكية. L'explication de Sourat l'aube, qui est une sourate mécoise. الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه وذلك جائز مستعمل إذا كان أمرا ظاهرا مهما وهو كذلك في هذا الموضع فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة يحسن أن يقسم الله بها ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر الذي هي خير من ألف شهر وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. Il dit رحمه الله تعالى ce qui apparaît de ces versets dans lesquels Allah عز وجل jure par l'aube, il jure par le père et l'impère, il jure par la nuit quand elle s'écoule. Cheikh Saadi rahimahullah dit que ce qui apparaît de cela est que ce pourquoi Allah a juré, que ce par quoi Allah a juré et ce pourquoi Allah a juré. Ce par quoi Allah a juré, c'est-à-dire les choses par lesquelles Allah a juré, sont également ce pourquoi Allah a juré. Car lorsque l'on jure, on jure pour quelque chose. On jure par Allah, mais pour quelque chose. Quand quelqu'un met en doute ta parole, tu dis par Allah, j'ai dit vrai. Tu vas donc jurer par Allah afin de prouver que ta parole est vraie. Et ici, Cheikh Saadi dit que dans ces versets, Allah Azza wa Jal, ce par quoi il a juré, c'est ce pourquoi il a juré. Ceci pour montrer l'importance de ces choses. Ainsi, Allah Azza wa Jal a juré par l'aube, qui est la fin de la nuit et le début du jour. Car il y a dans le départ de la nuit et l'arrivée du jour des signes clairs qui démontrent la force et le fait qu'Allah Azzawajal est capable de toute chose. Cela prouve également, c'est-à-dire il y a dans le fait que la nuit s'en aille et que le jour arrive, il y a une preuve qu'Allah Azzawajal est le seul qui administre toute chose. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Et a lieu pendant l'aube une prière qui a un immense mérite. Et c'est pour cela qu'Allah Azzawajal a juré par cela. Allah Azzawajal a ensuite juré par les 10 nuits, qui sont, selon les avis les plus authentiques, les 10 nuits du Ramadan. Les 10 dernières nuits du Ramadan. Ou les 10 jours de Dhul-Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Car ce sont des nuits qui comportent des jours méritoires et il y a dans ces jours des adorations et des moyens de se rapprocher d'Allah Azzawajal qui n'existent pas dans les autres jours. Puis le cheikh détaille cela en disant que dans les 10 dernières nuits du Ramadan, il y a la nuit de l'Qadr, qui est une nuit meilleure que 1000 mois. Et durant les journées de ces 10 derniers jours, il y a le jeûne de la fin du Ramadan, un jeûne qui est un pilier de l'islam. Et concernant les 10 jours de Dhul-Hijjah, il y a, durant ces 10 jours, la station de Arafah, un jour dans lequel Allah Azzawajal pardonne à ses serviteurs, un pardon qui attriste le diable. Et le diable n'a jamais été vu aussi humilié et aussi rabaissé que le jour de Arafat, lorsqu'il voit la descente des anges et la descente de la miséricorde d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs. Et durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il y a également de nombreuses adorations en rapport avec le Hajj et la Umrah. Et tout ceci sont des choses importantes qui méritent qu'Allah Azzawajal jure par celles-ci. Et bien entendu, cela est propre à Allah Azzawajal de jurer par quelconque de ses créatures. Quant aux êtres humains, ils ne se doivent de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال والليل إذا يسر أي وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تعالى وحكمة هل في ذلك المذكور قسم لذي حجر أي لذي عقل نعم بعض ذلك يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Puis Cheikh Saadi dit, et Allah Azzawajal dit, par la nuit quand elle s'écoule, c'est-à-dire par la nuit lorsqu'elle couvre de son obscurité les serviteurs. Ainsi, les gens deviennent sereins, les gens se reposent et deviennent apaisés, et ceci est de la part d'Allah Azzawajal une miséricorde et une sagesse. N'est-ce pas là, c'est-à-dire dans ce qui a été cité, tout ce qui a été cité, n'est-ce pas un serment pour celui qui est doué d'intelligence? C'est-à-dire, n'y a-t-il pas dans cela un rappel pour celui qui a une raison? La réponse est oui. Une partie seulement de cela suffit pour celui qui détient un cœur, pour celui qui prête l'oreille et qui est témoin. ثم قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Ad, Iram à la colonne remarquable, dont jamais pareil ne fut construite parmi les villes, et avec les Thamoud qui taillaient le rocher dans la vallée, ainsi qu'avec Pharaon, l'homme aux épieux, tous étaient des gens qui transgressaient dans leur pays, et y avaient commis beaucoup de désordres. Donc ton Seigneur déversa sur eux un fouet de châtiment, car ton Seigneur demeure aux aguets. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يقول تعالى ألم ترى بقلبك وبصيرتك كيف فعل بهذه الأمم الطاغية وهي إرم القبيلة المعروفة في اليمن ذات العماد أي القوة الشديدة والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد أي في جميع البلدان في القوة والشدة كما قال لهم نبيهم هود عليه السلام واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي وادي القرى نحتوا بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن وفرعون ذي الأوتاد أي ذي الجنود الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها الذين طغوا في البلاد هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود وفرعون ومن تبعهم فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله في دينهم ودنياهم ولهذا قال فأكثروا فيها الفساد وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوبا وسوط عذاب إن ربك لبالمرصاد لمن عصاه يهمله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. الجي رحمه الله الله عز وجل دي N'as-tu pas vu, par ton cœur et ta clairvoyance, ce qu'ont subi les peuples qui ont commis la tyrannie, qui sont Iram, cette tribu connue au Yémen, Zat al-Imad, à la colonne remarquable, c'est-à-dire à la force considérable. Ils avaient une force considérable, de même qu'ils étaient orgueilleux et qu'ils opprimaient. Allati lam yukhlaq mithluha. Personne ne fut créé aussi fort que sur terre. C'est-à-dire aussi fort que Ad. Sur terre, c'est-à-dire dans l'ensemble des pays. Dans l'ensemble des terres. Comme l'a dit leur prophète Houd alayhi salam, car Had est le peuple de Houd alayhi salam. Lorsque Houd alayhi salam leur a dit, et rappelez-vous, quand il vous a fait succéder au peuple de Nuh, واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح et qu'il a accru votre corps en hauteur فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون et bien rappelez-vous les bienfaits d'Allah afin que vous réussissiez. Ainsi le peuple de Ad, Allah Azza wa Jal leur avait donné une force considérable. Comme il a dit Allah Azza wa Jal dans un autre verset, lorsqu'ils ont dit « Man ashaddu minna quwwa » qui est plus fort ou qui a plus de force que nous. Et Allah Azza wa Jal a répondu « Alam ya'lamu anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa » Ne savent-ils pas qu'Allah qui les a créés est bien plus fort qu'eux? Puis Allah Azza wa Jal dit « Wa thamud alladhina jabu s-sakhra bil-wad » Et Thamoud qui taillait le rocher dans la vallée, c'est-à-dire dans la vallée de l'Qura. Ils ont ainsi taillé par leur force les rochers et ils en ont fait des demeures pour eux. Wa Fir'aun dhil autad. Ainsi qu'avec Pharaon, l'homme, ici c'était traduit l'homme aux épieux. Non, ils ont traduit l'homme aux épieux pour torturer les gens. Non, à Koulihal il y a épieux, épieux c'est une sorte d'arme. Une sorte de petite lance d'à peu près un mètre avec un bout en fer. C'est une arme, et moi j'aurais plus traduit cela, l'auten, on le traduit plus par un piquet. Un piquet, comme cela est connu dans la langue arabe, que l'auten, qui est le pluriel de wated, qui est un piquet. Qui peut être en bois ou qui peut être en métal. Et on peut châtier avec un piquet. Et le fait d'utiliser le terme piquet, yani, permet de pouvoir comprendre ce verset ou ce terme « la'outed » comme les mufassirines l'ont expliqué. À savoir que c'est quelque chose, que c'est l'armée, par laquelle ou à travers laquelle Pharaon a stabilisé et a rendu stable son pouvoir et son royaume. Grâce à son armée, il gardait son pouvoir. Et c'est le sens de Aouted, car un piquet permet de stabiliser une chose et de faire que cette chose ne bouge pas et reste fixe. On utilise des piquets pour fixer une tente. Et en arabe, le terme outad est aussi utilisé dans des expressions. Par exemple, watadul balad, le piquet du pays. Ce sont leurs dirigeants, leurs gouverneurs. Les piquets de la bouche, par exemple, ce sont les dents. À Kulihal, c'est utilisé dans le sens de stabiliser une chose. Et ici, les Mufassirin ont dit « Al-Autad », c'est-à-dire c'est l'armée de Pharaon par laquelle il gardait et rendait son pouvoir stable et son royaume stable. Comme le dit Cheikh Saadi, comme les piquets rendent stables ceux avec quoi on veut les attacher. Ce que l'on veut attacher avec ces piquets. Et l'autre explication donnée par les Mufassirin, que Cheikh Saadi n'a pas cité, mais que l'on comprend de la traduction du Mosra, pour torturer les gens. Car certains Mufassirin ont dit que Pharaon et son armée utilisaient des piquets pour torturer son peuple et ceux qui ne voulaient pas lui obéir. Alladhina taghaw fil bilad, ceux qui ont transgressé dans les pays. Et ceci, ceux qui ont transgressé, Allah Azza wa Jal parle à la fois de Ad, le peuple de Houd, Thamoud, le peuple de Salih, Pharaon et ceux qui les ont suivis. Car ils ont effectivement transgressé les limites d'Allah dans les pays d'Allah et ils ont fait du mal aux serviteurs d'Allah à la fois dans leur religion et dans leur vie d'ici-bas. Dans leur religion, en les appelant à mécroire en Allah Azzawajal, et dans leur vie, en ne leur permettant pas de vivre de façon stable et convenable. وَلِهَذَا قَالَ Pour cela qu'Allah Azzawajal a dit, ils ont semé beaucoup de désordre. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ Et ce désordre, c'est le fait d'avoir diffusé et d'avoir pratiqué la mécréance et toutes les branches de celle-ci, mais également toutes les formes de désobéissance. Ainsi, ils ont combattu les prophètes qui ont été envoyés à eux. Ils ont égaré les gens et les ont éloignés du chemin d'Allah. Et lorsqu'ils ont atteint, dans leur arrogance et dans leur mal, le degré qui imposait leur destruction, Allah subhanahu wa ta'ala a alors envoyé son châtiment, déversa sur eux un fouet de châtiment. Sawta azab, fasabba alayhim rabbuka sawta azab. Un fouet de châtiment, et ceci est une expression en arabe qui montre la dureté de ce châtiment. Et que, comme l'ont dit d'autres mufassirin, que lorsque l'on dit que l'on châtie quelqu'un avec un fouet, c'est que l'on a utilisé la pire manière de châtier. Inna rabbaka labil mirsad, ton Seigneur demeure aux aguets. C'est-à-dire que ton Seigneur est aux aguets vis-à-vis de ceux qui lui désobéissent. Yumhiluhu qalila. Yumhiluhu, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal le laisse un court instant. Celui qui désobéit, Allah Azzawajal le laisse. Il le laisse, mais Allah Azzawajal n'oublie pas. Pour cela que si cette personne ne revient pas, si cette personne ne se repent pas, eh bien, il se peut qu'Allah Azzawajal le saisisse de son châtiment. Et cela montre la puissance d'Allah Azzawajal et le fait qu'il est capable de toute chose. C'est pour ça que l'on dit Inna Allaha yumhil wa la yuhmil, qu'Allah laisse mais n'oublie pas. C'est pour ça que ceux qui désobéissent à Allah Azzawajal, qu'ils ne pensent pas qu'ils sont en sécurité, car Allah Azzawajal n'oublie pas. Thumma qala ta'ala فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا Allah Azza wa Jal dit selon le sens. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais au contraire, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. قال الشيخ السعد رحمه الله يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيثه وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول يظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه وأنه إذا قدر عليه رزقه أي ضيقه فصار بقدر قوته لا يفضل منه أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان بقوله كلا أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله وامتحان يمتحن به العباد، ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، ممن ليس كذلك فينقله إلى العذاب الوليم إلى العذاب الوبيل. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لا مهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين. Allah عز وجل informe dans ses versets sur la nature de l'être humain en tant que tel, et que l'être humain est ignorant et injuste. Il n'a pas de science sur les conséquences. Il ne sait pas, il ne connaît pas les conséquences. Il pense que la situation dans laquelle il est perdurera et n'est pas amenée à disparaître. Il pense que le fait qu'Allah Azzawajal l'honore dans cette vie d'ici-bas et le comble de bienfaits est une preuve qu'il est noble auprès d'Allah et qu'il est proche de lui. Et que lorsqu'il restreint sa subsistance, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azzawajal diminue sa subsistance à cet être humain, de telle sorte que sa subsistance soit suffisante pour ses besoins sans en rajouter, il pense que cela est un rabaissement d'Allah vis-à-vis de lui. Allah Azzawajal a donc répondu à cette façon de penser en disant « Kalla, mais non, tout ce que je comble de bienfaits dans cette vie d'ici-bas n'est pas forcément noble auprès de moi. De même que tous ceux à qui j'ai baissé la subsistance et j'ai diminué la subsistance n'est pas une humiliation, ne sont pas humiliés auprès de moi. Mais la richesse et la pauvreté, la largesse et l'étroitesse sont des épreuves d'Allah Azzawajal. Ce sont des examens, des épreuves à travers lesquelles Allah Azzawajal éprouve ses serviteurs, afin de voir qui parmi eux sera reconnaissant et patient et le rétribuera de la meilleure des récompenses de celui qui n'est pas ainsi, c'est-à-dire qui n'est pas reconnaissant et patient, afin qu'il l'emmène dans le châtiment dur. Puis Cheikh Saadi rahimahullah ta'ala dit: et quant à la volonté de la personne, si elle se restreint à cette même personne, cela prouve la faiblesse de cette motivation et de cette volonté. Pour cela qu'Allah Azzawajal a critiqué celui qui ne se préoccupe pas de la situation des autres créatures dans le besoin. Et il dit: فَقَالَ كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ الَّذِي فَقَدَ أَبَاهُ وَكَاسِبَهُ وَاحْتَاجَ إِلَى جَبْرِ خَاطِرِهِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاوج من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهذا قال: وتأكلون التراث، أي المال المخلف، أكلا لما، أي ذريعا لا تبقون على شيء منه. وتحبون المال حبا جما، أي كثيرا شديدا، وهذا كقوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكقوله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Puis Allah عز وجل dit, on dit Cheikh Saadi, qu'Allah a critiqué ceux qui ne se préoccupent pas des autres créatures dans le besoin, et il dit: mais non, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux envers les orphelins. les orphelins, l'orphelin envers, envers l'orphelin, celui qui a perdu son père et celui qui lui donne la subsistance. Ainsi en islam, l'orphelin est celui qui a perdu son père. Un orphelin qui a perdu son père, donc celui qui lui donne la subsistance, car qui a le devoir de subvenir aux besoins de ses enfants, c'est le père. Et ceci même, et ceci beaucoup ne le savent pas, même s'il divorce avec sa femme, il se doit de subvenir aux besoins de ses enfants. Un orphelin donc qui a perdu son père et celui qui lui donne la subsistance, un ikasiba, celui qui lui donne de quoi subvenir à ses besoins, et qui a donc besoin de soutien et de réconfort, et qui a besoin que l'on soit bienfaisant envers lui. Puis, cher Saadi dit, mais vous ne l'honorez pas, bien au contraire, vous l'humiliez. Et ceci est une preuve que vous n'avez pas de miséricorde dans vos corps, dans vos cœurs, et que vous n'avez pas de volonté à faire le bien. وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. C'est-à-dire que les uns les autres, vous ne vous motivez pas et vous ne vous conseillez pas de donner et de nourrir ceux qui sont dans le besoin parmi les pauvres et les nécessiteux. Et ceci à cause de votre avarice. Ceci à cause de votre avarice et à cause de votre grand amour de cette vie d'ici-bas qui a pris place dans vos cœurs. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit « وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثِ » et vous dévorez l'héritage. « Al-mal al-mukhallaf » c'est-à-dire les biens qui ont été légués. « أَكْلَ اللَّمَّا » et vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. C'est-à-dire que vous ne laissez rien. Vous ne laissez rien de cet héritage. Et comme l'ont dit d'autres mufassirin, c'est le fait de manger sa part et la part des autres et de ne pas se poser la question si ce que l'on consomme de l'héritage est autorisé, est licite ou illicite. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا et vous aimez les richesses d'un amour sans borne. C'est-à-dire, vous aimez les richesses d'un grand amour. Et ceci, comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans d'autres versets, dans les versets 16 et 17 de Surat Al-A'la, que l'on a déjà expliqué, بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا vous préférez la vie d'ici-bas, وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى et l'au-delà est meilleur et plus durable. Et comme dans la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Sourate Al-Qiyam, les versets 20 et 21, kalla bal tuhibbuna al-ajila. Au contraire, vous préférez la vie éphémère et vous délaissez l'au-delà. Thumma qala ta'ala kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Puis Allah Azza wa Jalla dit selon le sens. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée, que ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang, et que ce jour-là on amènera l'enfer, ce jour-là l'homme se rappellera. Mais à quoi lui servira-t-il de se souvenir ? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Ce jour-là donc, nul ne saura châtier comme lui châtie, et nul ne saura garrotter comme lui garrotte. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée, entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. قال الشيخ السعدي رحمه الله كلا أي ليس كل من أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق لكم بل أمامكم يوم عظيم وهول جسيم تدك فيه الأرض والجبال وما عليها حتى تجعل قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا أمتا ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من الغمام وتجيء الملائكة الكرام أهل السماوات كلهم صفا صفا أي صفا بعد صف كل سماء يجيء ملائكته صفا يحيطون بمن دونهم من الخلق وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل للملك الجبار وجيء يومئذ بجهنم تقودها الملائكة بالسلاسل فإذا وقعت هذه الأمور يومئذ يتذكر الإنسان ما قدمه من خير وشر وأنى له الذكرى فقد فات أوانها وذهب زمانها يقول متحسرا على ما فرط في جنب الله يا ليتني قدمت لحياتي الدائمة الباقية عملا صالحا كما قال تعالى يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار فإنها دار الخلد والبقاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لمن أهمل ذلك اليوم ونسي العمل له ولا يوثق وثاقه أحد فإنهم يقرنون بسلاسل من نار ويسحبون على وجوههم في الحميم ثم في النار يسجرون فهذا جزاء المجرمين وأما من اطمأن إلى الله وآمن به وصدق رسله فيقال له يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله الساكنة إلى حبه التي قرت عينها بالله ارجعي إلى ربك الذي رباك بنعمته وأسدى عليك من إحسانه ما سرت به من أوليائه وأحبابه راضية مرضية أي راضية عن الله وعن ما أكرمها به من الثواب والله قد رضي عنها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وهكذا تخاطب به الروح يوم القيامة وتخاطب به في حال الموت والحمد لله رب العالمين. Cheikh Saadi Rahimahullah dit, prenez garde, en parlant d'Allah Azza wa Jal, Kalla, prenez garde, c'est-à-dire que tout ce que vous aimez comme bien et ce pour quoi vous vous concurrencez comme plaisir ne va pas perdurer. Bien au contraire, il y a devant vous un jour immense, un jour avec qui comporte des tourments considérables, un jour dans lequel sera pulvérisée la terre, les montagnes et tout ce qu'elle contient jusqu'à être une plaine étendue, qui ne sera ni sinueuse et qui ne comportera pas de montée. Allah Azza wa Jal viendra afin de juger entre ses serviteurs. Viendront également les anges nobles, les habitants des cieux, tous en rang, rang par rang, c'est-à-dire rang après rang. Les anges de chaque ciel viendront en rang. يحيطون بمن دونهم من الخلق. Ils entoureront tous les autres parmi les créatures. Et ces rangs seront des rangs de rabaissement et des rangs d'humilité devant le roi Allah subhanahu wa ta'ala. وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Ce jour-là, on amènera l'enfer, qui sera amené par des anges qui traîneront cet enfer grâce à des chaînes. Et dans le hadith, combien de chaînes? 70 000. Et dans chaque anneau, 70 000. فَإِذَا وَقَعَتْ هَذِهِ الْأُمُورِ. Quand ces choses-là arriveront, ce jour-là, l'homme se rappellera ce qu'il aura fait de bien et de mal. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Mais à quoi lui servira-t-il de réfléchir et de se rappeler? Car il sera trop tard. Et le moment, c'est-à-dire dans lequel il est encore profitable de réfléchir et de se remettre en cause, est passé. Il dira, c'est-à-dire cet homme, en regrettant ce qu'il a fait de mal durant son vivant, « Hélas, n'ai-je fait du bien pour une vie future ?» C'est-à-dire qu'il regrettera de ne pas avoir fait de bien pour cette demeure qui va perdurer, de ne pas avoir fait un acte vertueux et pieux, comme le dit Allah Azza wa Jal dans les autres versets de Sourate Al-Furqan, les versets 27 et 28. Il dira, malheur à moi si j'avais pris un chemin avec le prophète. Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Malheur à moi si seulement je n'avais pas pris un tel comme ami. Et dans ce verset, il y a une preuve que la vie qui mérite que l'on fasse des efforts afin de l'obtenir de façon complète et afin de profiter pleinement de ses délices, c'est la vie présente dans la demeure éternelle. La demeure qui restera et perdurera. Ce jour-là, nul ne saura châtier comme lui châtie. Nul ne saura châtier comme lui châtie. C'est-à-dire comme Allah Azza wa Jal châtie. Comme Allah châtie celui qui a été insouciant et a oublié ce jour et a oublié de ce fait d'œuvrer pour ce jour. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ. Et nul ne saura enchaîner comme lui enchaîne. Ainsi, فَإِنَّهُمْ يُقْرَنُونَ بِسَلَاسِلَ مِنْ نَارٍ. Ils seront amenés en étant traînés par des chaînes de feu. Ils seront traînés par leur visage dans l'eau bouillante. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ. Puis ils seront brûlés dans le feu. فَهَذَا جَزَاءُ الْمُجْرِمِينَ. Ceci est la rétribution des criminels. Ceci est la rétribution des criminels. Quant à celui qui, dont le cœur a été apaisé vers Allah Azza wa Jal, qui a cru en Allah, qui a considéré vrai ses prophètes, il lui sera dit, ô toi apaisé, c'est-à-dire apaisé face au rappel d'Allah, qui est sereine dans l'amour d'Allah, et celle, l'âme, qui trouve sa réjouissance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui sera dit, irji'i ila rabbik, retourne vers ton Seigneur, qui t'a comblé de ses bienfaits, qui t'a accordé ses bienfaisances de telle sorte que tu sois devenu ou que tu fasses partie de ses alliés et de ses bien-aimés. Radiyatan mardiyah, une âme satisfaite et agréé. Agréé par Allah. وعن ما أكرمها به من الثواب. Et elle sera satisfaite de ce qu'Allah Azza wa Jal, de ce par quoi Allah Azza wa Jal l'aura honoré comme récompense. وَاللَّهُ قَدْ رَضِيَ عَنْهَا. Car Allah aura été satisfait d'elle. Puis il lui sera dit, entre donc parmi mes serviteurs. Il sera dit à l'âme. فَدْخُلِي فِي عِبَادِي. Entre donc parmi mes serviteurs. Entre dans mon paradis. Ainsi, l'on s'adressera à cette âme le jour du jugement. Et ainsi, l'on s'adressera à cette âme au moment de la mort. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et la louange appartient à Allah, le Seigneur des mondes.